réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. La semaine prochaine, Histoire Vivante reviendra sur l'histoire des esclaves dans l'Antiquité romaine. Vous écoutez La Première, 14h.